assieds-toi là, enlève la poussière, commande une bière au bar, paradis c'est là, pose ton revolver, après on fera un poker. Ne me dis pas pourquoi tu es là, enlève ton couteau dans le dos, paradis c'est là, fais pas cette tête là, écoute-moi plutôt au piano. Lola sur tes cils, enfile tes parésies, paradis c'est là, on va faire un show avec les morceaux de ta vie. Qu'est-ce que tu crois, moi, quand ça va mal, j'ai ma boule de cristal, ça jette des étoiles. Et pour le final, je ferme les yeux et c'est beau. J'suis le pianiste du paradis, vieille rengaine et mélodie, tous les jours je joue. Sur terre, pleurer des larmes de verre.